pase yon ti peyi yon mwen. Ki sa ka pase a site a bonje. Ti moun ekol yo pe pa etije. An fami a dokini sa ka plere. Men sa ki pase yon ti peyi yon mwen. Yon ti peyi ka koule si dous. Ti moun ekol yo tout an danje. En famille à d'autres, il s'est qu'à trembler. Wow, wow, Guadeloupe ou passé. Martinique ou passé. La Guyane ou passé. Dominique ou passé. Saint-Martin ou passé. Réunion ou passé. Tout partout ou passé. Martinique ou passé, la Guyane ou passé, c'est Martin.